Selon le journal d'internet sud-coréen Tongil News, un meeting contre le pouvoir meurtrier et pour la mémoire du paysan Peng Nam-gi a eu lieu le 1er octobre devant l'hôpital de l'université de Séoul, en présence de plus de 30 000 habitants, y compris les ouvriers et les paysans, dans le cadre du meeting pan-national prévu à la veille de la lutte pour la mobilisation générale des masses du 12 novembre par la direction de lutte pour la mobilisation générale des masses 2016. Le 30 septembre, un membre du comité de mesures d'urgence du Parti du Peuple de Corée du Sud a exigé à l'Assemblée nationale des autorités sud-coréennes et du secrétaire général de l'ONU de suivre l'intention du rapporteur spécial de l'ONU qui a refusé l'autopsie du paysan Peng Nam-gi par la police. Le même jour, le rassemblement des Coréens aux États-Unis pour la mémoire du paysan et contre le pouvoir de Park Geun-hye a eu lieu en même temps devant le consulat général de Corée du Sud à New York et à Los Angeles.